Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'Histoire, une émission spéciale d'une heure sur l'histoire des bye-bye. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de travail, mais le plaisir de faire un bye-bye est énorme. Dominique Michel, la reine incontestée des bye-bye. Dominique Michel qui a participé à tellement de bye-bye que, et c'est pas une blague, on en a perdu le compte. Le bye-bye, vous le savez, fait maintenant partie de la tradition du temps des fêtes, devenue au fil des ans une espèce de grand messe de fin d'année. Le bye-bye, c'est grosso modo 4 millions de téléspectateurs pour 85% de parts de marché. Il est à peu près temps. Wow. Oui, l'année 68, enterrez-moi ça, puis vite. Quand un homme comme Trudeau passe pour être le plus beau, c'est le bout du rouleau. Wow. L'an qui vient de passer, on est mieux de l'oublier. Bob. Extrait du Bye Bye 68, le tout premier Bye Bye, en tout cas le tout premier Bye Bye à s'appeler Bye Bye, pour revivre cette aventure, cette palpitante histoire des Bye Bye, quatre formidables invités. Mon collègue, journaliste, membre des défunts cyniques qui avait été... On vous avait confié, Marc Laurendeau, le Bye Bye de 71. Pauline Martin, comédienne, une habituée des Bye Bye dans les années 80, beaucoup, Pauline. L'auteur et comédien André Ducharme du groupe Rock et Belles Oreilles qui a signé quelques... Deux Bye Bye. Et puis Nathalie Petrovski, ouf, chroniqueuse à la presse, qui, elle, en a critiqué, je ne sais pas combien, mais un bon tas, Nathalie Petrovski. Oui. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. Marc, on commence avec vous. Vous êtes un peu la mémoire de ce plateau. Ça commence en 68, le premier Bye Bye, mais ça commence avant. Il y a eu quelque chose avant. Ouais. D'abord, le Bye Bye, c'est une tradition bien québécoise, forte. C'est un plaisir de les regarder aussi. Ça existe nulle part ailleurs dans le monde, une formule qui ressemble à ça? Pas au même niveau, là. Non. C'est sûr, nos compatriotes font Air Force, mais ça n'a pas le même degré de concentration, d'intérêt. C'est un rendez-vous, là. On arrête tout au party de Noël et on regarde ça. Ça commence en 56. Ça s'appelle Salut 57 à l'époque. Le tout premier. Et il y a Dominique Michel là-dedans. On salue la nouvelle année. Ensuite, il y aura Le Petit Café avec Dominique Michel, Pierre Thériault, le caricaturiste Normand Hudon. Ça va durer 3 ans, 59 à 61. Et c'était très regardé et c'était un rendez-vous d'antenne, là, très précieux. Ensuite, formule plus cabaret avec Jacques Desrosiers, Donald Lautrec, Dominique Michel, Denise Filiatro. Ils s'inspiraient de leur expérience et de leur tournée de club, comme on dit familièrement. Ça va s'appeler Zéro de conduite et puis pour 3 années, ça va éclater. Jusqu'à ce qu'en 68, ce soit le premier bye-bye. Ouais. Je vous rappelle que celui de 69, parce que les troupes variaient à l'époque, il y a Chantal Renaud, jadis la première blonde du Québec, la première dame du Québec, qui en faisait partie. Alors, il y avait des distributions brillantes qui changeaient et au début, on était dans la fantaisie. Le Petit Café, Dominique, était dans la fantaisie. Oui. Il y avait des choses drôles, mais il y avait moins de références politiques. Oui. Graduellement, c'est venu. C'est drôle parce que, puis on pourra y revenir, mais au fond, on ne réinvente pas la roue. La formule cabaret, parce qu'il y aura une période plus près de nous, des bye-bye en direct, devant grand public, où on se rapprochera peut-être un petit peu plus de cette formule variété qui était là au tout début. En tout cas, il y a un sketch. Dès le bye-bye 70, on est au début des bye-bye, un sketch qui va faire école, un classique. On va l'écouter, un extrait de ce sketch-là. Évidemment, je pense au sketch sur la crise d'octobre, bye-bye 70, Olivier Guimond qui incarne le personnage d'un soldat, un Québécois francophone, qui est devant la maison, qui protège la maison de Denis Drouin, un riche anglophone de Westmount. D'où est-ce que tu viens, toi? Je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow! Oh, oui, yes, ça descend. Never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it, exactly? Juste là-bas, là. En bas, là. Regardez, direct en bas, là. Oh, c'est où, là? Oh, yes, right down there. Oui, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, là? Le petit coin noir, là. Juste à... Saint-Henri. Tu viens de Saint-Henri? Oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. J'ai rentré dans l'armée pour voyager. Olivier, qui est un, à mon avis, le plus grand comique que le Québec a fabriqué, il n'était pas un homme politisé. Et quand il a fait ce sketch-là, du soldat, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas parce que ça ne l'intéressait pas. Et il a été très étonné de l'impact de ce sketch-là. Et je me souviens, quand on l'a fait, on a fait l'enregistrement de ce sketch-là. C'était le matin très tôt, à 8 heures le matin. Et Olivier m'avait dit, je le fais une fois. Mais j'ai dit, écoute, j'ai besoin de répéter, j'ai besoin de voir avec les caméras. Il dit, fais-le tout de suite, parce que si je le répète de nouveau, je le sentirai pas. Alors là, j'ai réuni comme les caméramans, j'ai dit aux caméramans, bon, voilà ce qui va arriver, il va monter l'escalier, il dialogue avec Denis Drouin, il descend l'escalier, bon. Alors, on l'a fait, un take, et là, il a fait cette performance extraordinaire, que tout le monde se souvient, quand il déboulait l'escalier, puis il avait accroché l'arbre de Noël, puis il avait réussi à tout faire ça, parce que ça, c'est un truc qu'on pouvait pas répéter en salle. Alors, quand il est arrivé dans le décor, il a vu l'arbre de Noël, il a vu les fils qui entouraient, les lumières qui entouraient. Il s'est rapproché de l'arbre sans que les gens se rendent compte. Il a accroché le fil, il a déboulé avec le sapin et c'était la grande performance qu'on se souvient. Oh, hey, what's that? What's that? What's that? Fire, fire! Non, non, non, non! Minuit! Oh, minuit! Oui, bonne année! Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi. J'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. Eh? Okay, go ahead. Go ahead. No, wait one minute. Oh. Laissez-moi vous aider. Slippery. Eh? Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Yeah. Attention. Yeah. Parce que si je tombe, là, yeah, vous allez tomber vous aussi. Quel sketch formidable. Ouais. Bye Bye 70. On est à deux mois d'événements qui ont marqué le Québec. Un homme est mort. C'est Jean Bissonnette, hein, qu'on entendait, le réalisateur. Oui, bien, le réalisateur Jean Bissonnette qui a réalisé ce Bye Bye. Il réunit toutes les qualités, ce sketch. Un bon flash, une bonne idée, même extraordinaire. Là. Gilles Richer synthétise la situation. Mais il ne faut pas juste avoir une bonne idée. Il faut avoir des gags qui soutiennent. Ouais. Et ils sont tous excellents et chargés de symboles. Là. Si tu tombes, je vais te... Mais si je tombe, tu vas tomber loin. Toi aussi. C'est une lecture fine de oui, ce qui vient de se passer. Exactement. Gilles Richer est un brillant auteur. Ouais. Ensuite, la performance. C'est-à-dire que Guimond avait déjà, dans les trois valses, certains d'entre vous s'en souviendront, descendu un escalier et le remontant comme un gossou d'une façon phénoménale. Ouais. Il refaisait cette performance-là. Il y avait du métier, là. Il se fiait sur son métier de cabaret, en grande partie, pour refaire ça. Ce qui étoffait, qui mettait du visuel en plus. Un alors, texte, totalement une performance aussi, parce que ça compte dans ce qui fait la force de... Moi, ce qui me frappe à le réentendre, c'est cette espèce de magie de complice qu'ils ont. Parce que c'est vrai que de bonnes idées, bons textes, mais le rendu, puis la complicité. Et je pense que c'est un des éléments les plus forts. Quand on forme une équipe d'un bye-bye, il faut absolument que cette chimie-là entre tout le monde soit présente. Parce que sinon, ça va tomber. Le gag passera pas. Mais là, il est magnifié. C'est en encore là, ça, cet espace-là aussi maintenant, parce que c'est plus rapide, les bye-bye, tout est écrit. Mais justement, d'autant plus... Oui. Oui, il faut que ça, entre autres. Moi, ce que je retiens aussi de ce sketch-là, je pense qu'une des raisons pourquoi il est passé à l'histoire, c'est que, justement, on était dans un contexte extrêmement émotif. On venait de vivre la crise d'octobre. On est dans une émission d'humour. On n'a pas le choix d'aborder un sujet comme celui-là. Et probablement que tous les gens chez eux, quand ils regardaient ce sketch-là, étaient... Vraiment, là, il tenait le dossier de la chaise en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Oui, on marche vraiment sur un fil très, très mince. Alors, si tu réussis à faire un sketch avec ça, c'est certain que le sketch, on va s'en rappeler. Oui, Nathalie Petrovski. Un bon sketch, c'est une tempête parfaite où tout concorde, le ton, le texte, mais aussi le lien avec l'actualité. Mm-hmm. Et dans le fond, le sketch de RBO sur Héros de civil, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'on est vraiment en lien avec un événement de l'actualité qui a marqué tout le monde. Puis là, ils ont trouvé le ton, le texte, l'idée, la performance, le maquillage dépendant. Mais c'est vraiment la tempête parfaite. Quelque chose qui est drôle, mais qui est rassembleur. Les gens le regardent puis ils se disent « Ah oui, c'est ça ». On l'écoute justement. Hein? Okay. C'est arrangé avec le gars des vues, ça. C'est bien fait. Hein? Le sketch Héros de civil, un extrait. Mais où sommes-nous exactement? Les films de peur présentent Hérotiville, la petite ville intolérante. Tu parles d'un arbre conduire en pyjama? C'est un costume traditionnel. Parce que l'Halloween, c'était il y a 2 mois. C'est quoi votre char? Une Hyundai. Un char étranger. Bougez pas. Hey, le gros, une famille de tamouilles dans un char de chop suey, je ramasse-tu? À Héroutiville, tout ce qui est pas d'ici, on n'en veut pas. Oh, j'ai faim. Avez-vous des brioches danoises? Ah, pas ça ici. Des baklawa? Ah, pas ça ici. Bon, des pâtisseries françaises? Pas ça ici. Qu'est-ce que vous avez? Des pâtes de soeur, de la tarte au sucre puis des carrés au rice crispies. Je t'ai dit, je voulais pas de ça ici. La tarte au sucre ou des carrés au rice crispies? Des trois. Les deux, tu peux dire? Ça se peut, je sais pas compter. À Héroutiville, la méfiance règne. Héroutiville, le sketch, donc, extrait de ce sketch qu'on a vu une première fois au Bye Bye 2007. Vous êtes très fier, André Ducharme, de ce sketch-là. Pourquoi? Ben, un peu ce que je disais tantôt. Quand t'es pris avec un événement d'actualité qui est polarisant, qui a retenu énormément d'attention dans l'année et qui a divisé aussi beaucoup les gens, et là, faut que t'en parles, faut que t'en traites, faut pas que tu te trompes. T'as pas le droit de te tromper. Ouais. Donc, un sketch comme celui-là, nous, on a toujours travaillé en brainstorming. Des brainstorming assez simples. On sort des flashs. OK, ben c'est correct. Moi, je prends cette idée-là. Je vais aller la travailler. On se revoit la semaine prochaine. Dans un cas comme celui-là, puis on l'avait fait également au Quatrième Reich, dans une autre vue d'année qu'on avait fait ailleurs, qui n'était pas un bye-bye, on s'est vraiment assis ensemble et on a parlé de la situation avant même d'avoir l'idée du sketch. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire? Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Et après ça, le flash est arrivé. Parce que c'est important, je pense, d'avoir une démarche éditoriale pensée avant de faire ce genre de sketch-là. Ouais. Le bon message, au fond, là, c'est quand la peur de l'autre devient ridicule, ben mettez le doigt là-dessus. Oh, mais ça allait même un petit peu plus loin. Il y avait un deuxième degré pour ceux qui pouvaient le saisir. À la fin, il y avait une insinuation comme quoi c'était incestueux. Oui, ça, c'est terrible. Il n'y a personne qui va venir changer nos habitudes à ma soeur et nos enfants. C'est ça. Je ne sais pas si les gens d'Hérouville l'ont saisi, parce qu'il paraît qu'ils ont aimé le sketch, mais ça, c'était assez dur. Mais il y avait aussi, dans cette édition-là, la commission Bouchard-Taylor, qui était hilarante. Qui était la même mécanique. Oui, parce que là, alors, c'était tous des fous furieux qui venaient défiler devant la commission. Les deux commissaires qui étaient complètement endormis, qui n'écoutaient rien. C'était très drôle aussi. Très bon. Mais ce que je trouve un peu déprimant, c'est que on pourrait refaire ces sketchs-là. Et ils seraient tout aussi d'actualité. Je trouve ça un peu dur. On parle à 4 millions de personnes quand on écrit, quand on joue dans un bye-bye, quand on participe à un bye-bye. Comment on fait? Là, c'est un sketch Hérouville, octobre 70, c'est des sketchs assez politiques. Hérouville sociale, mais quand même, politique beaucoup. Il y en a beaucoup de la politique dans les bye-bye traditionnellement. Il y a eu des époques où il y en avait moins. On était plus dans le showbiz. Un des problèmes, parfois, du bye-bye, ça a été aussi votre cas à RBO, c'est qu'à un moment donné, c'est toutes des références de télévision. Je comprends que les émissions de télévision servent de background dramatique, si on veut, ou comique. Mais à un moment donné, c'est comme si... J'avais d'ailleurs écrit, si jamais il y a un Martien qui débarquait un 31, il se dirait que les Québécois passent leur vie devant la télévision. Ben, c'est toutes des références télévisuelles. En fait, la référence télévisuelle, c'est un outil. Exemple, dans un bye-bye, si tu fais une parodie de, je sais pas moi, Unité 9, tu ne feras pas une parodie de l'émission Unité 9. Tu vas te servir d'Unité 9 pour faire une parodie sur Lise Thibault en prison. Exactement, j'allais dire. C'est que ça te permet, permet de prendre un raccourci, de ne pas avoir à établir on est où, qui est qui. Dès que ça commence, tu comprends on est où, tu comprends qui est qui. Et ça permet également d'avoir, en plus du message qu'il y a à l'intérieur du sketch, d'avoir une plus-value qui est l'interprétation, le jeu, la ressemblance, l'imitation, que tu ne pourrais pas avoir autrement. Et la référence, moi, je t'ai étonné en préparant le dossier. Vous, en tout cas, à RBO, quand vous préparez vos bye-bye, vous faites sortir les 30 chansons de l'année, les 30 pubs de l'année. Il y a quelque chose là. Il y a un travail de recherche qui est fait avant même la première réunion. Ceux qui ne sont pas martiens, Nathalie, tout le monde se reconnaît. Oui. Mais c'est ce qui fait aussi, quand tu fais toutes ces couches-là, que les gens peuvent le regarder 4-5 fois. Oui. Parce qu'ils n'ont pas vu la première fois. Alors, quand c'est préparé de longue date, puis comme tu expliques, André, avec les différentes couches de compréhension, et aussi avec l'angle, parce qu'on parle des bye-bye. Moi, les années où je les fais, c'était André Dubois beaucoup qui était l'auteur, et c'était très politique. Oui. Et au moment où c'est devenu Est-ce que ça doit être politique? C'est la fonction du bye-bye qu'on touche. Ben, oui, je pense que oui. Puis moi, à partir du moment où c'est devenu moins sous l'angle politique, ça m'a moins intéressée. Oui. Puis parce que aussi, il y avait l'angle social qui était traité, mais beaucoup plus politique. Ouais. André en a fait 10. D'excellent. On pourra parler des numéros que vous avez fait sous sa plume, avec sa plume. Oui. Mais en 77, il a fait les scouts. C'était le Parti québécois qui venait d'être élu, assermenté, et il les a représentés comme des boy scouts. Il y avait un fondement. Certains d'entre eux avaient été dans les scouts. Et ça traduisait très bien. Ouais. C'était un des sketchs remarquables de cette époque. Il y a un aspect qui peut être dangereux. Je sais, Marc, que vous avez soulever ça avec la journaliste à la recherche, les bye-bye trop pointus. Sol, en 75. Ben, des fois, on veut réinventer la roue. On dit, ben les bye-bye, c'est toujours la même chose. On va faire autre chose. On va chercher Sol. Ou alors, on va aller chercher quelque chose de très spécifique. Même Meunier, à certains égards. Oui. Que de l'absurde. C'est pas compliqué. C'est une revue de l'année, le bye-bye. Alors, si on va dans l'absurde, on n'est pas dans la bonne direction. Il n'en reste pas moins que dans le cas de Meunier, son bye-bye, je crois que c'était 81. Bonne année, Roger. Bonne année, Roger. On est sorti un formidable sketch. Oui, on vous voit là-dedans. Vous faites la fille. C'est-à-dire, c'est Devine qui vient dîner, on amène un noir à la maison. Oui. C'est encore d'actualité, ça. Ah, ça avait été un sketch extraordinaire. Ouais. Comment est-ce que vous mangez votre lion, etc. Avec des attaquants. Oui, c'est ça. C'était le lion et les attaquants. Voilà. Donc, des bons textes, évidemment. On l'a. Oui, Pauline. Je m'excuse, Jean, mais quand on parle de bons textes depuis tantôt, mais pour les auteurs, c'est extrêmement stressant faire un bye-bye. Oui. Parce qu'André, à l'époque, était seul. Alors moi, je me rappelle des rencontres qu'on faisait où André arrivait avec ses idées, ses textes, il en shakeait tellement, tellement c'est... Une pression énorme. Oui, puis bien lui, il la trouve bonne, il l'aime, il aime cet angle-là, mais il n'y a pas de réponse autour de la table, mais c'est extrêmement angoissant pour les auteurs. Ils ont des insomnies. André me disait qu'il fait des insomnies à l'approche du premier cette année, alors qu'il n'écrit plus de bye-bye. Et certains des auteurs, aussi, comme Jean-Pierre Plante, disent, si je rate mon coup, ça m'est arrivé, mais c'est ce qui explique... pendant un an, je dois raser les murs. Ouais. Et si j'en fais un bon, ça va. Mais c'est ce qui explique qu'à un moment donné, il y avait une pénurie, il n'y avait plus personne voulait faire le bye-bye. Ils avaient trop peur des conséquences, c'était trop dur à vivre. Mais évidemment, un succès, par exemple, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est rare. Allez-vous mal dormir autour du bye-bye de cette année que vous n'écrivez pas, André Charme? Non, j'ai énormément de plaisir. Mais je ne m'empêchais pas de dormir non plus quand je les faisais. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement stimulant. Ouais. J'ai plus de difficultés à dormir dans les trois jours qui suivent que dans les trois jours qui précèdent la diffusion. Ouais. Parce que quand après la diffusion, c'est là que tu es confronté à la critique. Et la critique, maintenant, elle vient de partout. C'est de moins en moins facile. Ouais. De faire avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, tu as la critique en temps réel. Ouais. Et habituellement, la critique sur les réseaux sociaux, elle est négative. Ouais. Fait que faut que tu apprennes à vivre avec ça. On va y revenir à la critique, à la pression que ça représente, mais un bloc quand même, plus qu'un mot, un bloc sur l'interprétation, la peine effleurée. Pauline Martin, vous avez été des bye-bye des années 80, vous avez fait des personnages fabuleux avec, entre autres, Dominique Michel. Ouais. On extrait d'une entrevue qu'accordait Dominique Michel. Vous allez entendre des extraits de sketch également pour montrer à quel point, quand même, les personnages qui sont personnifiés dans les bye-bye, ça compte. Les gens se souviennent beaucoup de Chartan que j'avais fait. Ça avait été marquant. C'est Gilles Goujon qui avait écrit ce numéro-là avec Gilles Richer. Tabardouche de tabarouette et vierge, laissez-moi passer, on est en démocratie ici, les capitalistes mourront pas, vierge, laissez-moi passer, je te vis au maudit tirongage de linge de bain, là, chez vous, maudit. Je vais la faire demain pour qu'elle va passer ici, Radio-Canada, ça tout le monde. J'aimais beaucoup faire Sonia Benezra. Quand elle disait, vous comprenez, ça vient vraiment de mon fond. Elle a jamais dit ça, Sonia. Jamais de sa vie, elle a dit ça. Mais c'était tellement ça que ça la représentait bien. Puis les gens disaient, c'est vrai, elle a dit ça. Elle a jamais dit ça. Mais c'est ça. En fait, le bye-bye, c'est une caricature. On va chercher la caricature chez les gens. Et je pense que quand on doit caricaturer les gens, il faut quand même un peu, en quelque part, les aimer, les connaître et tout ça. Et maintenant, mes chéris, on va aller retrouver Henri Maud dedans chez elle, une grande mesdame. Et c'est vraiment mon artiste préféré. Et ça, là, ça vient vraiment de mon fond. Un autre auquel je pense, puis ça tombe encore dans le sport, vous étiez avec Pauline Martin, c'est les fameuses nageuses. C'était quelque chose. Oui. La nageuse synchronisée. Pauline, un énorme talent de comique. C'est une fille, tu étais formidable. Je trouve qu'elle faisait une Céline Dion parfaite. Et c'était bien parce que cette fille-là, Pauline, chantait très bien, était une comique née. Et j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est une fille qui a un énorme talent. Et quand ils ont fait une perspective de tous les bye-bye, je regardais ça, mais mon Dieu, qu'elle était bonne. On a bien fait ça. On a eu un bon public. Hein? Oh oui, il était bon. Puis les juges nous ont beaucoup aimés. As-tu trouvé l'eau froide? Oui, plutôt. Toi, moi, très froide. Extrait donc de certains sketchs d'une entrevue que Dominique Michel avait accordé à Francis Legault il y a quelques années. Pauline Martin, parlez-moi un peu de Dominique qui vous trouvait formidable. Elle l'était aussi. Moi, je dis toujours, j'ai toujours dit, Dominique, c'était mon université, ma classe de maître. Parce que être choisie pour travailler avec une fille comme elle, que t'admires tant, et c'est Dominique, elle ne se trompe pas. Mm-hmm. C'est pas compliqué, hein. Faut bien l'admettre. Vous aviez employé l'expression, elle a un radar. Oui, oui, oui. J'ai entendu dire ça déjà. Ah, ben oui, oui, mais complètement. Et c'est, on gagne beaucoup de temps à travailler avec Dominique. Parce que si Dominique dit non, c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Regarde, arrêtez, là. Ouais. Croyez Dominique. L'instinct, parce que, c'est important, l'intuition. C'est un instinct incroyable. Mm-hmm. Et généreuse aussi de moi j'ai tellement reçu de Dominique, elle était extraordinaire et d'une, tu sais, quand t'as dit ça prend de l'énergie, c'est parce qu'elle en donnait beaucoup aussi, elle en donnait énormément. Moi je me rappelle entre autres du sketch quand elle avait fait Like a Virgin de Madonna, et c'était, je sais pas combien de fois elle l'avait refait, parce que c'est ça aussi les bye bye, c'est des journées interminables. Moi je n'ai pas fait partie de ceux qui ont été en direct, j'aurais été incapable, mon cœur n'aurait pas supporté un tel stress. Mais des journées qu'on enregistrait sur une dizaine de jours, 12 heures par jour, à courir, à changer le maquillage, à se remaquiller, démaquiller. Puis à incarner des personnes, à créer dans l'imaginaire des Québécois, ben, Pauline Martin, votre Jean-Luc Mongrain, vous l'avez fait ailleurs aussi, vous l'avez fait dans les bye-bye, votre Élisabeth II, Dominique, on l'entendait avec son Michel Chartrand. Mais en même temps aussi, il y a des choses qui se produisent au moment où on enregistre. On prépare, bien sûr. Mais moi, je me rappelle, un des sketchs qui avait marqué aussi, c'était quand j'avais fait Edith Butler. Et on avait c'était un gros succès, puis on n'avait pas d'idée. On cherchait, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Un soir, je regarde la télé, je vois une émission communautaire dans laquelle Edith Butler parle qu'elle fabrique toutes sortes de choses, elle fait beaucoup d'artisanat, puis même avec des outils, là, tu sais, avec le bois et tout. Et là, j'ai décidé de faire cette espèce de folie-là. On était allé manger au restaurant, j'avais pris 2-3 verres de vin. J'arrive à la maison, je dis à mon chum, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, je me mets à chanter à toune en me touchant des parties du corps, en faisant des sons. J'ai dit, c'est-tu l'impression ou c'est un peu drôle? C'est le début d'un personnage, plus que d'un sketch. Et là, il me dit, écoute, moi, je trouve ça drôle, là, je sais pas. Mais... Et le lendemain matin, je suis arrivée en studio, puis je dis à Jacques Payette et à l'équipe, je dis, écoutez, là, j'ai une idée, là, mais vous me le dites tout de suite, hein, c'est pas ça. Et là, je le fais, Jacques Payette, il dit, va te maquiller, on l'enregistre, on le fait tout de suite. Il y a cette place-là, donc, on a l'impression que c'est super organisé. Mais c'est pas une modestie quand on se fait dire par quelqu'un qui est compétent, qui a fait beaucoup de bye-bye, non, ça marchera pas. Faut abandonner, faut pas se battre, là. Oui. Mais quand, au contraire, les gens réagissent bien, puis qu'on improvise comme ça, on cherche, au fond, une idée, on la cherche, on l'a pas tout de suite spontanément. il faut chercher un peu. Et ça montre que c'est des équipes. Oui. Non, la production d'un bye-bye, c'est vraiment une affaire d'équipe. Écoute, oui, des fois, le perchiste va avoir une idée, il va dire, hey, tu devrais faire ça. Oui. Puis le gag que les gens vont retenir, il vient de là. Nous, je me souviens qu'un gag dont j'entends encore parler, c'est le sketch sur les Thibault. Qui est fabuleux. Je marche pas, mais je roule en tabarnak. Oui. ce gag-là a été trouvé sur le plateau au moment de l'enregistrement. Il n'était pas dans le texte. Le texte, c'était autre chose. Le texte a existé, mais le punch... Ça dure 30 secondes, ça. Oui, ben c'est ça, c'est de montrer... je pense que c'était basé sur une parodie d'annonce de carte de crédit où elle pouvait se payer toutes sortes d'affaires. Et ça finissait avec cette ligne-là qui n'était pas prévue. On avait fait aussi un sketch à un moment donné qui s'appelait 110 de quotient, où on utilisait 110% de l'émission sportive pour faire une analyse politique de l'année où chacun défendait tel politicien. Et c'est un sketch qui s'était écrit à la dernière minute, qui a été enregistré le 27 décembre, parce qu'on se gardait toujours une journée d'enregistrement pour la dernière minute. Et c'est presque de l'improvisation. Et sur le DVD, il y a une caméra sur chacun de nous. On était les quatre et on a de la misère à se retenir de rire en le jouant tellement ce moment-là était magique. Comment on est grinçant? Parce que je pense qu'il faut l'être un peu sans être méchant. Enfin, j'écoute, tu sais, Dominique Michel qui dit il faut aimer les personnages. Elle parle de Sonia Benezra. Est-ce qu'il faut aimer ces personnages? Est-ce qu'on peut être méchant? Mais il faut un certain degré de méchanceté. Là. Quand on essaie d'être trop consensuel, on va être plate. Ouais. Et personnellement, je préfère un bye-bye controversé qu'un bye-bye plate. Ouais. Cela dit, il faut un éventail. On ne peut pas prendre un personnage inconnu et se moquer de lui puis répéter le processus tout le long de l'émission. Il faut, dans un bye-bye, l'année, quoi. Il faut toucher les sensibilités. Il faut que les gens qui s'attendent à voir tel personnage le retrouvent, tel personnage. Alors, il faut un peu de politique, un peu de sport, il faut le monde des artistes, il faut un peu de télévision. Pas que des processus de télévision, parce que là, ça va être lassant. Il faut des événements qui sont pas télévisuels aussi. Mais les époques aussi ont une importance. Je relisais le très beau livre que vous avez fait pour les cyniques. Le rire de la révolution tranquille. Ça prend de la transgression. Mm-hmm. Mais quand t'es dans une époque où il y a beaucoup de barrières à faire tomber, où la religion, il y avait une espèce de noirceur, hein, qu'on disait. Oui, oui. Vous avez transgressé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup de consensus. Oui, alors, est-ce que c'est ce qui fait qu'il faut aller plus loin? Oui. Justement, il y a beaucoup de rectitude politique. Alors, c'est un autre territoire très fertile pour la critique. Je veux dire, à chaque époque, en fait, les monuments qu'on va faire tomber en quelque part. Vous étiez bon le clergé et tout ça, mais les choses ont évolué. Mais je veux dire, c'est pas comme s'il manquait d'affaires qu'on peut ne pas critiquer là. Crois, Nathalie, que c'est pour ça qu'on s'attaque plus aux personnes. Ça vous dérange, ça, vous? Mais c'est la célébrité. Moi, je suis pas très en fait, à l'aise on s'attaque, ça. Je pense beaucoup à la célébrité, à la personnalité publique. À la personnalité publique, c'est ça. Encore que. En humour, c'est une tendance qui est beaucoup moins présente au moment où on se parle. Ça a eu ces belles années. Là. La fin de Pimentfort, ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup à cause de ça. Pimentfort, vers la fin, était une émission où il y avait perpétuellement des attaques sur les personnalités. Ça s'est quand même, je pense, calmé à ce niveau-là. Mais c'est un balancier d'humour. Hein? Non, mais c'est un balancier. Il en faut un peu aussi. C'est un balancier. Ça, il en faut, effectivement. Il en faut un peu. Il faut que ça dérange. Ça a été d'ailleurs le problème d'un bye-bye 2008 dont on pourra parler, mais c'est parce qu'il y avait des attaques personnalisées que ça a été controversé. Le direct. Mais il en faut un peu. Le direct ou pas, grande question. Écoutez Patrice Lécuyer là-dessus, il en parle à Christiane Charette en 1991. Ce qui est formidable dans le bye-bye, c'est le fait d'être en direct. Ça, et d'être devant le public. Ben oui, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris au Québec et qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas les moyens de comprendre, je sais pas, mais il n'y a pas un pays au monde où ils font de la comédie en studio, sans public. Ça n'existe pas. La comédie, ça existe simplement que par la présence du public. Lorsqu'on travaille de la comédie, le bye-bye, il y a des choses, des gags, à force de les répéter, on les oublie. Il y a même des gags qu'on n'a jamais vus. Et devant le public, c'est le public qui, avec son œil neuf, découvre les gags pour la première fois, puis c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça nous donne une adrénaline, ça nous donne de l'énergie, ça nous fait continuer, ça nous fait relancer le sketch qui souvent, on trouve un peu... ça fait tellement longtemps qu'on le répète, qu'on le trouve plus drôle, on n'a plus de plaisir à le faire. On arrive devant le public et on redécouvre tout. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que c'est une bonne année, là? Est-ce qu'il y a du... Je demanderai aucune question sur les numéros que vous préparez, promis, mais est-ce que c'est une bonne année? Ben, c'est une bonne année dans le sens que c'est pas une bonne année. En ce sens que, lorsqu'il y a une très bonne année, par exemple, l'année dernière, la crise d'Oka, le monde dit, ça va être extraordinaire. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que, il y a tellement d'émissions d'humour, maintenant, au Québec, que lorsqu'on arrive, nous, avec le bye-bye, si on arrive avec la crise d'Oka, par exemple, l'an dernier, il faut faire quelque chose de complètement différent. Ce sont des sujets qui ont été traités par tout le monde. Alors, cette année, il y a moins d'événements marquants, donc il y a moins d'événements dont tout le monde va parler. On a plus de choix qu'on en avait l'an dernier. Mmh. Curieusement, c'est assez difficile à comprendre, là, mais c'est ça. Donc, il y a deux choses là-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'une bonne année? On va y revenir, mais d'abord le direct. Oui, alors, peut-être pour les interprètes, l'adrénaline et tout ça, c'est bien important, mais personnellement, pour le spectateur que nous sommes, que ce soit en direct ou pas en direct, moi, ça change rien pour moi. Ce qu'on veut, c'est un bon show. Puis oui, puis même, je dirais, de nos jours, en plus, avec tout ce que les effets spéciaux, les montages et tout ça, les incrustations réussissent à faire des choses extraordinaires, ben moi, je préfère voir vraiment des belles mises en scène tournées avance que, bon, des gens qui sont en direct. Je veux dire, le direct, on peut le voir à l'année longue. Enfin, pour moi, ça fait vraiment pas de différence. C'est périlleux, hein, parce que les derniers bye-bye qui n'a pas marché, je pense que c'est 92, sauf erreur, était un bye-bye en direct. C'est comme des filiformes, là. C'est extrêmement dangereux. Moi, j'avais été très impressionné par le premier bye-bye en direct. Exactement. L'exploit de le faire m'avait impressionné, mais une fois qu'on sait que ça se fait, ben là, la deuxième année, c'est le contenu qui, à un moment donné, fait c'est parce que je trouve, en tant que créateur, je trouve que ça me limite énormément d'aller en direct. Le fameux baiser, la lasagne, le soldat cloutier, on peut le faire enregistrer, mais est-ce que ça a le même... On sait que c'est en direct. Est-ce qu'il n'y a pas des moments comme ça? Il y a le côté électrique, le fait que ça soit en direct dans ce cas-là. Paf, on arrive à minuit. Oui, et le petit café, je reviens aux origines du bye-bye, le petit café, le charme, c'était une boîte à chansons, littéralement. Ouais. Puis il y avait un public qui rigolait. Et les bye-bye par la suite, bye-bye 71 qu'on a tourné, nous, il y avait un public, on avait les sketchs enregistrés et on leur faisait voir les sketchs enregistrés. Les transitions, on les faisait en studio. Ouais. Et ça, ce qui faisait que c'était pas du rire en canne, comme on dit. Il y avait quelque chose d'utile là-dedans. Moi, ce qui me dérangeait aussi, c'est que le faire en direct demande énormément de concessions au niveau du maquillage, au niveau de l'évocation, de la caricature. Ouais. Ça devient gros, très gros. Alors que les artisans, les gens qui font le bye-bye, il faut pas les oublier. Il y a les interprètes, mais il y a des magiciens qui ont fait des bye-bye. Et maquillage, coiffure, prothèse, des gens extraordinaires et qui sont aussi excités que nous quand ils apprennent qu'ils vont faire le bye-bye puis qu'ils travaillent pendant des mois. Et moi, je suis d'accord avec Nathalie que ça donne un résultat encore plus époustouflant si tu l'enregistres. L'autre grande question qu'évoquait Patrice Lécuyer, qu'est-ce qu'une bonne année? André Ducharme. C'est intéressant ce qu'il dit. Quand c'est une année trop faste, où il y a des évidences, surtout qu'actuellement, là, il y a un bye-bye chaque jour dans mon téléphone intelligent. Je suis pas sûr qu'il y a une bonne ou une mauvaise année. Je pense qu'il y a un bon ou un mauvais bye-bye. Une mauvaise année peut donner un bon bye-bye. Une bonne année peut donner un mauvais bye-bye. Ça dépend. C'est le résultat. Moi, ce que je trouvais difficile, c'est que, bon, on l'a vécu récemment. Là, ça vient de changer. Il vient d'avoir du mouvement. Mais pendant à peu près 7-8 ans, c'était les mêmes intervenants politiques partout. T'avais Jean Charest, t'avais Stephen Harper. L'année d'après, t'avais Jean Charest, t'avais Stephen Harper. L'année d'après, t'avais... À un moment donné, tu dis, bon, mais là, j'ai fait le tour de Jean Charest et Stephen Harper. Je trouve que présentement, pour les créateurs, c'est du fun parce qu'il y a du nouveau monde en politique. Oui. C'est utile. Oui, le nouveau défi, cependant, vers les années 80, je pense, les bye-bye sont décentralisés. Dubois est parti, André Dubois a fait rire à bien. Il y a eu un sans limite. Oui. L'humour, c'est comme décentralisé. Et puis, c'est encore le cas maintenant. Oui. Il y a de l'humour partout. En fait, il y a une industrie de la revue de l'année. Exactement. Et moi, là, que le j'en vois, le rideau vert, revue est corrigée. Bon, là, il y en a un autre avec le Martin Proulx et tout ça. Alors, à un moment donné, quand on arrive au 31, ben là, c'est parce qu'on en a vu comme 4 ou 5. Oui, mais on a à la semaine prochaine à la radio, en plus, qui est formidable. On a la flaque, on a ça rend les choses plus c'est plus difficile d'être génial. C'est moins le moment sacré que ça a déjà été. On a même les réseaux sociaux. Il arrive un événement et il y a... moi, j'en connais plusieurs qui commentent l'actualité sur les réseaux sociaux. Le bon gag, il arrive 10 minutes après l'événement et le bye-bye, il est 6 mois plus tard. Alors tu as besoin d'être solide pour Autre faire le bye-bye. Autre facteur, c'est que les gens qui font des revues soupçonnent, parce qu'eux font leur revue avant le bye-bye, en revoyant certaines chansons en particulier et certains numéros du bye-bye, ils disent que là, ils ont pris notre idée. Mais ça peut être un hasard. Ouais. Ça peut être des gens qui ont eu la même inspiration. C'est souvent un hasard. Je sais que nous, quand on a fait nos deux années de bye-bye, on allait voir ce qui se faisait ailleurs. Puis si on avait la même idée, on disait « too bad », c'était une excellente idée, mais on la fera pas pas. On la fera pas. D'accord. Par contre, Royal Canadian Air Force avait fait un sketch identique à notre sketch au point où il a fallu qu'on se parle, dire quand est-ce que vous avez déposé votre texte? Nous, c'était telle date. Nous, c'était OK, c'est pas un plagiat, c'est un hasard pour tout le monde, mais c'était le même sketch. Ouais. Comme des caricaturistes, un matin, peuvent voir la même idée. Oui, ça peut arriver, mais c'est tellement, il y a tellement de gros enjeux pour un bye-bye que les soupçons courent. Vous parliez, Marc Laurendeau, du bye-bye de 92. On s'attaque un peu à le rapport qu'on a avec les bye-bye. On est un petit peu fou avec les bye-bye, mais un extrait qui va vraiment vous captiver. Vous avez, Nathalie critiquait beaucoup de bye-bye, mais les trois autres participaient à des bye-bye. Ça peut être très, très dur. Bye-bye 92, flop total, sur le plan de la critique en tout cas. On a renouvelé cette année-là. Dominique Michel n'est plus là. Il y a Guylaine Tremblay qui est là, Bernard Fortin, Diane Lavallée, qui est au micro de Jean Fugère le 4 janvier 93. C'était en direct cette année encore, pour la troisième fois, avec toute une nouvelle équipe, de nouveaux maîtres d'œuvre, de nouveaux talents, et on souhaitait apporter du sang neuf à cette institution. Or, comme je le disais tout à l'heure, ça a été plutôt mal reçu. Et j'ai en face de moi une des comédiennes de ce bye-bye, Diane Lavallée, qui est un petit peu timide, ça n'a pas tout à fait heureuse d'une certaine façon d'être là. Comment vous avez réagi, Diane, Écoutez, c'est sûr que ça fait beaucoup de peine. Évidemment, ça fait énormément de peine parce que nous, le but, c'était de faire rire. Le premier but, c'était ça. On a travaillé pour ça. Fait que c'est évident que le consensus est général et je dois avouer que je suis dans une période où j'ai beaucoup de peine. Ça me fait de la peine de recevoir autant de choses négatives. Parce que nous, jamais on n'aurait pensé que ce serait reçu de cette façon-là. Jamais. Ça vous a complètement étonné, là? Complètement. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fait de vivre ça de l'intérieur et de le voir de l'extérieur, c'est deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé, de l'intérieur, c'était pas comme ça. Est-ce que si vous prenez un petit peu de recul, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore beaucoup de difficultés. Je suis pas encore, j'ai encore la difficulté à avoir du recul face aux critiques surtout. Face à tout ce qui est écrit. Ce que je peux en dire, c'est que on s'est trompé ou je sais pas quoi, je sais pas, c'est général. Mais moi, mon point de vue de l'intérieur était pas, j'avais l'impression que ça passerait. C'est fou parce qu'on est une équipe. Et puis je me dis, nous, les comédiens, on s'amusait en répétition. Alors je me dis, est-ce qu'on est vraiment si innocent que ça? Est-ce qu'on est si deux de pique que ça pour pas avoir vu que tous les textes, selon la vie générale, sont pourris? Alors ça veut dire que les auteurs avec qui on était, aucun jugement et moi non plus. Alors c'est très très très difficile pour moi de voir exactement ce qui s'est passé. Il y a Roger Legendre qui est ici en ce moment. On a commencé à recevoir des commentaires du public. Malheureusement, ces commentaires sont plutôt négatifs. Il y a d'abord une auditrice de Québec à qui on peut parler maintenant. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, je trouve le bye-bye qui est resté à l'état d'amateur. On a des personnes qui avaient peut-être du talent et qui en ont. Oui, j'admets qu'ils ont du talent, mais qui ont manqué leur farce. Elles ne les ont pas poussées à bout. Alors, ça restait comme pas fini. Et il y a eu des farces un peu rudes. Les couteaux ont volé bas à un moment donné. Vous pensez à quoi, oui? Bon, disons Céline Dion. J'ai trouvé ça de mauvais goût parce qu'elle nous fait honneur. Oui. Vous pointez du doigt. C'est très, très dur. Ça fait mal d'entendre ça. Ça fait mal, hein? Oui. Ouais. Mais comment on réagit à ça? Cette année-là, il y avait de moins bons auteurs. Là, j'ai regardé la liste. C'était pas des auteurs expérimentés. Ils avaient un grand metteur en scène, René Richard Cyr. Et c'était à l'Amphithéâtre Bell. Ils étaient sur la corde raide, là. Ouais. Et la moindre faille dans le timing, à ce moment-là, ça paraît. Mais c'est surtout, je crois, les textes qui est-ce que vous pas étiez, pertinent. Pauline Martin, vous étiez très sensible. Avez-vous eu de mauvaises critiques? Je sais pas. Mais étiez-vous sensible à ça? Étiez-vous sur la corde raide, là, juste avant et après le bye-bye? Pas tant que ça. Non. Moi, je suis pas mal habitée par... J'ai fait, à mon avis, une bonne job. Puis on aime ou on n'aime pas. Mais quand c'est quand unanime, Dominique dit que c'est plaisant de le faire, c'est plate. Mais ça m'enlève pas le plaisir que j'ai eu à le faire. Ça enlève pas les compliments que tu peux recevoir quand même à travers ça sur les performances personnelles que tu as faites ou celles de tes collègues. Mais non, j'étais pas... On s'y attendait. C'est normal. À Dominique Michel dit une chose, un extrait d'entrevue qu'on n'a pas diffusé aujourd'hui, mais que j'ai écouté pour préparer l'émission. Puis elle dit, c'est formidable parce qu'il y a le détachement, elle en a fait tellement. Elle dit, ce qui est extraordinaire avec les critiques, Nathalie Petrovski, je vous regarde, ce qui est extraordinaire, dit Dominique Michel, c'est que c'est jamais bon. Mais après ça, on les croise 2-3 ans plus tard, ben, ils disaient, c'était formidable. Ça, c'est pas tout à fait c'était vrai. C'était ton meilleur, il y a 5 ans. Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai les textes, moi, j'ai mes textes que j'ai écrits, donc je sais quand j'ai critiqué puis quand j'ai pas critiqué. Est-ce que les critiques que vous regrettez? Vous êtes, je suis allé trop loin, j'étais non, trop dur. Pas, justement, non, du côté du bye-bye, du tout, j'ai tout relu ça, puis oh, non, pas du tout. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des moins bonnes années. Mais, à un moment donné, ce qui a commencé vraiment à m'achaler, c'est que on avait l'impression que le bye-bye était devenu une espèce de défouloir collectif, ouais, de lynchage. C'est comme si tout le monde... Vous savez, les fêtes, c'est quand même des temps très émotifs. On a des parties de famille, des parties plates. Des fois, il y a de la chicane. Et on dirait que le bye-bye devenait l'espèce d'exutoire. Ouais. Fait que tout le monde... Puis si t'arrivais lundi au bureau, puis t'as-tu aimé ça, puis c'était-tu bon? Mm-hmm. C'est comme... Alors, à un moment donné, ça m'a beaucoup tanné. Est-ce qu'on n'est pas un peu fou? Moi, j'avais l'image du Canadien de Montréal, qu'on aime, déteste. Faut qu'il gagne. S'il gagne pas, on les déteste. C'est exactement ça. Ouais. C'est une espèce de sport national de tomber sur le bye-bye. Mais ce qui est compliqué avec un bye-bye, maintenant, on parle d'émissions qui ont à peu près 30 numéros. C'est impossible que les 30 numéros plaisent aux 4 millions de personnes qui regardent l'émission. Mmh. C'est certain qu'il y a des sketchs qui vont accrocher certaines personnes, d'autres non. Un bon bye-bye, c'est un bye-bye où c'est pas les mêmes sketchs que les gens détestent. Ouais. Si tout le monde dit, non, ça, c'est raté, là, tu te retrouves avec un bye-bye raté parce qu'il y a une unanimité sur ce qui fonctionne pas. Mais c'est certain que tu ne peux pas plaire à tout le monde dans un bye-bye, c'est impossible. Il reste qu'après un bye-bye, c'est important d'avoir une famille qui nous aime. Oui. Quand même. C'est la chose la plus dure au monde. Le comique est une chose dure. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'une chose est drôle puis vous réalisez qu'elle ne l'est pas. Il faut vite abandonner si on ne réussit pas à la perfectionner. Mais c'est tellement dur qu'en 1997, les auteurs ont séché devant leur texte. Y a pas eu bye-bye. Ils ont déclaré forfait. Ouais. On n'est pas capable de faire un bye-bye. Ouais. Alors ici, à Radio-Canada, ils ont décidé de faire un 30 années de bye-bye, de célébrer. On est tous allés en studio. Oui, mais le bye-bye a été suspendu pendant quelques années. Oui, 8 ans. Oui, c'est ça. Oui, ça a fait du bien. Je trouve que ça a fait du bien. Oui, ça a permis à tout le monde d'oublier puis de s'ennuyer de quelque chose qui s'en allait vraiment. Il y avait une espèce... Moi, je me souviens, là, des parties, plus ça allait, plus j'étais toute seule dans le sous-sol à regarder le bye-bye parce que personne ne me suivait, plus personne. Ça, c'est la fin des années 90. En fait, ça a fait du bien. On s'est ennuyés, puis eux autres, les RBO, sont revenus avec beaucoup de tonus, puis ils ont reparti la machine. On parlait du Canadien, c'est la même chose. Le Canadien a vécu des années difficiles. À un moment donné, il était dans le bas du classement. Puis là, à un certain moment donné, c'est revenu. C'est pareil. Non, c'est très émotif. La relation que le public a avec le bye-bye, c'est extrêmement émotif. Chaque individu considère que le bye-bye lui appartient et il devrait y avoir dans le bye-bye ce qu'il veut qu'il y ait. Ah, puis il y a même un argument de plus. Il dit, c'est nos taxes. C'est nos taxes. Mais est-ce que c'est vraiment... Je me fais l'avocat du diable. J'entendais en préparant l'émission Daniel Lemire qui disait: on se calme, c'est le début janvier, il n'y a rien dans l'actualité, le milieu s'excite beaucoup autour du bye-bye. Il y a un peu de ça. Mais le vrai monde regarde la télé le 31 décembre ou le 1er janvier, aime ça ou aime pas ça, rit ou rit pas, puis c'est pas plus que ça. Ouais, mais au bureau le lundi matin, c'est ils parlent tous de ça, puis c'est non, j'ai pas aimé ça, puis non, c'est plus que mais ça. Mais Nathalie, c'est qu'on a fait monter les attentes. Ça a été tellement bon là, à partir du petit café jusqu'à toute l'histoire qu'on a racontée. Il y en a eu des vraiment bons. Ouais. Et les gens ont des attentes très élevées. Quand tu es créateur et que tu travailles sur un bye-bye, tu en es parfaitement conscient de ça. Tu la vis, cette pression-là. Nous, quand on a fait notre bye-bye, on était extrêmement conscient qu'on jouait, entre guillemets, la réputation de Rock et Belles Oreilles. On avait arrêté de travailler ensemble en 1995. On revenait faire un bye-bye en 2006. Ouais. Si on se plantait, on est fini. Mm-hmm. Cette pression-là, on l'aurait senti. Ben oui, on l'aurait senti tout le long. On a travaillé sur ce bye-bye-là pendant 6 mois. On a travaillé comme des fous d'ailleurs, là-dessus pour ça. D'ailleurs, je me souviens, tout le monde disait, c'est formidable. Leur humour n'a pas vieilli d'un poil. On est 20 ans plus tard. Mais là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas si ça n'a pas vieilli. Je veux dire, ils ont 20 ans de plus. Ils auraient peut-être pu un peu vieillir. C'est important de niveau sketch. Et si je peux vous faire un aveu, quand je regardais les petits cafés que j'étais étudiant, je rêvais de faire ce genre de choses. Et je rêvais de faire un bye-bye quand les bye-bye sont arrivés. Oui. Puis on a eu beaucoup de plaisir avec les Dominique, Michel, Denis. Mais des fois, beaucoup d'artistes rêvent de faire un bye-bye. Oui, encore maintenant, je pense. Je pense aussi que cette espèce d'énervement qu'il y a autour du bye-bye vient aussi de quelque chose qui est particulier au Québec. Les gens ici, ils font pas juste admirer leurs artistes, ils les aiment. Oui. Et ils en reviennent pas, puis c'est bon. C'est comme s'ils étaient tous de notre famille. Et ça change une carrière, faire un bye-bye, Pauline? Ah ben oui. Complètement, ben oui. Puis surtout, travailler avec des gens aussi expérimentés et aussi talentueux que j'ai pu le faire avec Dominique, entre autres. Et tout le monde nous reconnaît le lendemain matin. Ben, si le bye-bye était bon. Ouais, dès que vous mettez le nez dehors le lendemain, ça peut changer une carrière dans l'autre sens aussi. Oui. Parce que si tu te plantes, tu ne feras pas le prochain. Oui, c'est vrai. Ah, ça peut arriver. On donne une seconde chance. Ça peut prendre du temps. Mais c'est vrai qu'on rase les murs. Il faut marcher la tête basse si on a fait un mauvais bye-bye. Vous êtes un petit peu dans ma tête. Parce qu'effectivement, il y a eu une deuxième chance de donner à Véronique Cloutier et Louis Morissette. Bye Bye 2008, c'est la plus grande controverse autour des Bye Bye. Mm-hmm. C'est le sketch de Nathalie Simard qui passe pas. C'est des sketchs qu'on dit racistes qui passent pas. Le gros cave. C'est 200 plaintes au CRTC. Et c'est cette conférence de presse le 9 janvier 2009. Je veux juste préciser que nous ne sommes pas racistes. Du tout. Au contraire, ce qu'on essayait de démontrer, c'est justement cet antiracisme-là. C'est arrivé dans deux cas plus précis. Le sketch de Denis Lévesque en compagnie de Barack Obama. Si on écoute bien le texte, la prémisse est que c'était un parallèle avec l'entrevue de Paul McCartney et Denis Lévesque, où Denis Lévesque devant Paul McCartney semble peu préparé. J'ai rien contre Denis Lévesque, là. Je le connais pas. Il est sûrement super gentil, puis il gagne des trophées, puis longue carrière. Il fait bien son là. Travail. Bien, c'est pas ça. Il gagne très, très bien sa vie. Je pense que ça, c'est pas grave s'il y a un sketch sur lui dans le bye-bye. Ça se dit devant Paul McCartney, un anglais approximatif, semblait plus ou moins maîtriser son sujet, une grande familiarité avec petit Paul. Nous, on a regardé ça, on a trouvé ça rigolo, et on s'est dit, bon, si Denis Lévesque recevait Barack Obama, ça donnerait quoi? Il parlerait, il mélangerait peut-être avec quelqu'un d'autre, puis il demanderait Big Bison. Alors, c'est tout ça que nous, on a essayé de récupérer. Tu sais, à un moment donné, pensez-vous vraiment que nous, on s'est dit, au bye-bye, devant 4 millions de personnes, groupe d'auteurs qui avons quand même fait beaucoup de choses récemment, là, on s'est dit, on va sortir comme 7-8 jokes de mon oncle de noir, ça va être très, très drôle, ça. Non, c'était des jokes de mon oncle. Oui, c'était des jokes plates. Oui, c'était l'objectif. Maintenant, si je suis obligé d'éclaircir et d'expliquer le gag aujourd'hui, la preuve est faite que c'était malhabile. Exactement. Ouais, vous étiez là, vous vouliez la critique. Parce que c'est un... Voilà, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon sketch? Ça, c'est un mauvais sketch. Ouais. En plus, c'est un mauvais bye-bye. C'est pas juste c'est-à-dire que... Moi, j'ai trouvé drôle. Au deuxième degré, cependant. Et c'est pas tout le monde qui a marché dans le deuxième degré. En plus, l'imitation de Barack Obama était pas bonne. Là, il y avait aussi ça. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, ça n'a pas passé? Je pense qu'il y avait à l'intérieur de l'émission, d'ailleurs, on le dit dans la conférence de presse, il y avait plusieurs gags de tel type. Donc, il y avait une question d'accumulation. Il y avait un sketch sur Nathalie Simard. On sait qu'à l'époque, il y avait quand même une implication de la famille Cloutier versus Nathalie Simard. Donc, de faire un sketch, il y a un malaise. Moi, je me rappelle, je regardais ce bye-bye-là, j'étais avec mes deux fils, et en regardant le bye-bye, j'ai identifié les moments en disant il va y avoir un problème ici. Oh, là, ils sont dans le trouble. Oh, que ça va pas bien. Mais c'était ces moments-là. Une fois, ça aurait été correct. Elle faisait des messages publicitaires. Mais c'est qu'il y en a eu trois. Voilà. Tout de suite, ça devenait de l'acharnement. Quant à l'histoire du noir, moi, je me demande si on n'est pas dans la rectitude politique. Là. Non, c'est pas ça quand même. Il y a aussi que, bon, on s'entend, là, Radio-Canada, la direction, quand même, elle donne son imprimatur. Mmh. Elle doit voir les. Hein, on envoie les cassettes. Et c'est Radio-Canada qui a comme dit OK, c'est correct. Que ça va en onde. Mm-hmm. Parce que moi, j'avais d'ailleurs écrit, on ne demande pas à Jean-François Mercier, c'est lui qui faisait l'imitation. Ouais. On le demande d'être drôle, provocant, peut-être con, mais certainement pas d'avoir du jugement. Pas à lui avoir du jugement. C'est quand même au diffuseur à dire, ça passe pas. Puis le diffuseur a dit, ça passe. Ouais, il y a une troisième dimension aussi dans cette émission, permettez-moi, c'est qu'il y avait beaucoup de parodies de Céline Dion, de Julie Snyder, etc. Il y avait, c'était une attaque vis-à-vis du clan Céline Dion, Angélil, et ils ont réagi. Et leurs alliés Est-ce ont que réagi. Le problème, c'est les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne touche pas? Est-ce que ça n'est qu'une question de manière, de ton? C'est une question de manière, de ton, parfois d'accumulation. Puis oui, effectivement, quand tu es émotivement impliqué, parce que, nous, on l'a vécu aussi, tu sais, RBO, c'est Guillaume Lepage qui est émotivement impliqué avec certaines personnes, de partout le monde en parle, tout ça. Il faut que tu aies une vue d'ensemble. Ce sujet-là, pour des raisons X, je ne peux pas y toucher. Ou oui. Si j'y touche, j'y touche de cette façon-là, où je me dédouane en faisant exemple. En 2006, on avait une parodie, tout le monde en parle. La première personne sur qui on a fessé, c'est Guillaume Lepage. Oui. À partir du moment où on dit, garde, on vient de se fesser dessus d'aplomb, là, on passe aux choses sérieuses. Mais ce que j'ai trouvé quand même très courageux, à la fois de la part de Véronique, de Louis Morissette et aussi de Radio-Canada, c'est que l'année d'après, ils sont revenus, en fait, malgré... Ils sont revenus en 2010. OK, 2010. Mais ils sont quand même... Alors, après, c'est quand même cet échec retentissant. Puis, bon, ça avait vraiment fait beaucoup de controverses et tout. Ils sont revenus, ils se sont dit, ah ouais, on recommence. Puis ils ont très bien fait. Puis ils ont fait. Alors, c'est ça aussi, des fois. On apprend de ses erreurs. Oui, on apprend de ses erreurs. Il y a eu des erreurs d'appréciation, mais faut pas être trop sévère. Cela dit, je pense que c'est Nathalie qui a parlé un peu plus tôt de cette notion relativement nouvelle de rectitude politique. Est-ce que c'est un poids pour les créateurs? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que parfois, il faut faire preuve de rectitude politique? En fait, ce qu'il faut, je pense, d'abord avant tout, c'est de doser également maintenant. Ça, c'est vraiment très, très important quand on fait un bye-bye. Si tu tapes sur le PQ, il faut que tu tapes sur les libéraux, il faut que tu tapes sur la CAQ. Si tu tapes sur Radio-Canada, il faut que tu tapes sur TVA, parce que maintenant, c'est des clans, maintenant, c'est quasiment des églises qui s'affrontent. Mmh. Et il faut que tu donnes partout. Et c'est comme ça que tu réussis à te dédouaner, en guillemets. C'est pire qu'une campagne électorale où on comptabilise C'est juste si tu n'as pas une grille en disant, OK, ça, c'est fait. OK, lui, on n'y a pas touché. Faut y toucher, parce qu'on a touché à un, faut toucher à l'autre. Maintenant, ça se fait comme ça. Oui, comme une guerre de réseau. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait un bye-bye qui est une charge contre TVA, contre Céline Dion. Ça a été il y avait cette dimension-là dans le bye-bye de 2008. En fait, non, c'est le bye-bye de 2003. C'est le premier bye-bye clé en main du clan Cloutier, puis Guy Cloutier est encore là. Et là, c'était vraiment une charge à fond de train contre la convergence de Québécois. Mais en même temps, il faisait exactement la même chose, parce que c'était tous les artistes de Guy Cloutier. Puis en plus, Véro faisait les annonces de Kia entre les sketchs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une parodie de PKP en Séraphin. Oui. Et on a constaté par la suite que M. Péladeau était un peu vindicatif, n'est-ce pas? Oui. Dernier mot sur ce que ça va devenir, les bye-bye. D'abord, est-ce qu'ils ont toujours leur place? Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. On parlait, par exemple, du premier bye-bye qui était plus sous une forme cabaret. On a eu une période où les bye-bye étaient sous une forme télévisuel. Vraiment, on utilisait la télévision. Et je pense qu'on doit aller vers autre chose maintenant. Entre autres parce que le plus grand dénominateur commun, qui était la télévision, n'existe plus. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu Unité 9. Alors, si tu fais une parodie d'Unité 9... Mais il y en a quand même 1,6 million, mais lancez compte, il y en avait 2,8. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La chanson de l'année, c'est pas tout le monde qui l'a entendue. Ça va devenir quoi? Parce que maintenant, ça joue dans une station. Alors, les parodies de publicité, les gens, à cette heure, les publicités, ils sautent. Ouais. Alors, ce qui était vraiment un outil extraordinaire pour faire de l'humour, une publicité, bien, la plupart des gens ne connaissent peut-être que 5 des publicités les plus importantes de l'année. Alors, il faut que tu ailles ailleurs. Et je pense que le bye-bye doit, comme tout le reste, aller vers... Les événements, plutôt que la vers télé. Vers les événements, mais au niveau de la forme, ça doit changer. Et je pense que ça doit aller vers les formes que les nouvelles générations privilégient, qui ne sont pas nécessairement la télévision, la radio. Mais tant qu'il y aura 4 millions de télé... Un réseau ne peut pas se priver de ça. Là. C'est ça qui va faire foi de tout, non? Oui, mais j'ai hâte de voir, par exemple, le prochain bye-bye raté, parce qu'il va en avoir d'autres. Qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais pas que le raisonnement soit celui-là. Là, parce qu'on a 4 millions, il faut absolument en faire... Non, il faut en faire parce que c'est un sain défoulement. Tu vous employais, Nathalie, le mot exutoire avec lequel je suis 100% d'accord. Oui, oui. On a besoin de se défouler de toutes nos frustrations de l'année. Ça fait du bien. Et ça nous est typique, ça, les Québécois. Ouais. C'est une tradition de plus de 30 ans. Oui, je sais bien, mais c'est rendu difficile parce qu'il y a de la parodie mur à mur toute l'année. C'est vraiment difficile d'arriver avec une idée très originale. Effectivement, ça va être le beau défi ou le grand défi des bye-bye de l'avenir, de justement de trouver la forme et de se distinguer de toute cette industrie de la revue de l'année. Vous savez quoi? Moi, j'écoute Marc Laurendeau depuis presque une heure. Là, j'ai l'impression qu'il veut le relever, ce défi-là. Je serais bien le dernier à faire ça, je pense, autour de cette table. Marc Laurendeau, Pauline Martin, Nathalie Petrovski, André Ducharme, merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Au nom de toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, comme le veut la formule consacrée, bonne et heureuse année. Bon bye-bye, tout le monde. Salut.